que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Et voilà. Nous allons pouvoir commencer. Alors oui, votre escapade vénitienne est donc terminée. Vous avez embarqué dans cet Orient Express qui vous mène maintenant vers Trieste. Et la lecture de ce parchemin a été plus qu'instructive pour vous. Vous avez en effet appris pas mal de choses sur ce fameux simulacre et pourquoi d'ailleurs il s'appelait le simulacre de Sedefkar, maintenant vous le savez. Et vous avez eu un petit aperçu des puissances qui sont en jeu si toutefois cette histoire est réellement fidèle à ce qui s'est passé par le passé. Autre chose d'assez troublant et qui vous laisse assez sceptique, c'est que il semblerait que, eh bien, Fenalik serait plus vieux que ce que vous aviez pensé encore. Fenalik qui était en effet présent pendant cette croisade. Quoi qu'il en soit, la lecture est maintenant terminée. Vous revenez dans le présent et vous êtes maintenant dans ce train. Vous avez pris le temps de lire ce parchemin dans une de vos cabines, tous les quatre, tranquillement. Et on vous dit que l'arrivée pour Trieste se verra sur les coups de 19h50. Il est actuellement après midi. Vous savez donc qu'il va rester encore un petit peu de temps avant d'arriver là-bas. Vous allez donc pouvoir aller tailler le bout de gras et manger tranquillement tous les quatre. Hop. Alors. Je vais juste placer sur ce que je dois savoir. Alors, juste pour information. Et merci Emilio pour la traduction. C'est en italien, il me semble. Effectivement, c'était en italien, effectivement. C'était qui l'auteur déjà, on le sait ça? Pas forcément. C'était pas, il y avait pas forcément d'écrit. C'était un parchemin vieilli qui était là depuis un sacré bout de temps. Mais où il n'y a pas forcément d'auteur particulier. Peut-être un scribe du comte Baudouin de l'époque qui a retranscrit tout cela sur différents parchemins. Quoi qu'il en soit, vous vous asseyez pour manger et vous voyez que autour de vous il y a plusieurs tables où sont en train de se restaurer d'autres personnes. Et notamment des gens plus ou moins fortunés, dont une personne qui a la chance d'avoir un guide avec lui qui va peut-être le suivre pendant son voyage. Et vous pouvez entendre justement ce guide qui est en train de parler de la ville de Trieste. Alors peut-être certains d'entre vous ne la connaissent pas, il me semble pas que vous ayez eu l'occasion d'y aller, même toi, Emilio. Je vais peut-être passer, mais sans m'y arrêter forcément. Ouais. Et donc, ce guide est en train de parler, et vous l'entendez, et qui dit, bon, écoutez, ce que je peux vous dire de la ville de Trieste, c'est que cette ville a été fondée par les Romains sous le nom de Tergeste. La ville a une histoire aussi longue que mouvementée. La quatrième restauration de ses murailles débuta en 1470. Elle fut la rivale commerciale de Venise et la ville se plaça sous la protection de l'empereur autrichien en 1382, ce qui finit par placer la région sous sa coupe. Trieste devint le principal port méditerranéen de l'Empire austro-hongrois. Malgré l'augmentation du trafic suite à l'ouverture du canal de Suez en 1869, le nationalisme italien se développa dans la ville. En 1910, approximativement 2/3 de la population était italienne, le reste étant composé d'Autrichiens, d'Allemands, de Slovènes, de Croates et d'autres nationalités de l'Empire. En 1918, les troupes italiennes prirent la ville. 2 ans plus tard, le traité de Saint-Germain-en-Laye cédait la zone à l'Italie. Aujourd'hui, nous pouvons compter à peu près 225 000 habitants. Sachez que la ville est construite sur les pentes de Monte Guisto, une colline surmontée d'une forteresse qui s'appelle le Castello. Non loin se dresse la cathédrale de San Guisto. Plus bas, le port se poursuit dans la plaine adjacente sous la forme du canal Grande, à l'extrémité nord des quais, avec le port au nord-ouest. La ville se prolonge à l'est du Monte Guisto. Ce que je peux vous dire sur les quartiers, c'est qu'ils sont reliés au port par une ligne de tram qui traverse la colline via un tunnel qui est à peu près long de 380 mètres. Il émerge de l'autre côté sur la Piazza Calogoldini. Ce que vous pouvez savoir d'autre, c'est que la mairie et le commissariat central sont situés près de la Piazza Grande, qu'on appellera plus tard la Piazza dell'Unità. Trieste est un port majeur. Durant les années 20, entre 6 et 8 millions de tonnes de marchandises circulent chaque année. Avant la Grande Guerre, on pouvait dire que c'était le plus important port de l'Empire austro-hongrois. Ce que vous allez pouvoir trouver comme moyen de transport sont les calèches, les taxis automobiles et des trams électriques le long des principales avenues. Sinon, ce que vous pouvez savoir d'autre, Trieste est situé au bord ouest du Karst, une région de collines et de montagnes ayant donné son nom à un terme géologique. Ce terrain calcaire est percé de puits, de cavernes et de sources naissant ou mourant sans prévenir. La grotte la plus connue et la plus proche est la Grotta Gigante, à environ 5 km. Elle est chargée de stalactites et sa plus grande salle fait à peu près 270 mètres de long sur 150 mètres de large. Du coup, les gens sont là. Oh, merci beaucoup. Écoutez, je pense que ça va être très sympa, très cool. Enfin, je ne le dis pas comme ça, hein, mais bon. A l'air bien à visiter, en effet. Voilà, une ville très sympa à visiter. Vous finissez donc de manger et vous vous retrouvez en cabine. Maintenant, est-il de savoir. Pour vous, la question, que faites-vous à Trieste? Avez-vous quelque chose à y faire? Est-ce que vous vous en rappelez? Vous vous rappelez simplement que vous possédez un papier qui vous a été donné par le professeur. C'est un journal. et qui... Alors, pas forcément son journal, mais c'est son majordome qui vous a fait une liste des endroits à visiter avec le l'Orient Express pour retrouver les morceaux, en fait. Alors, on va le retrouver, ce document. Est-ce que vous avez toujours ce document avec vous ? On l'a peut-être perdu. Et ça lui soit mal à fin. Jamais perdu la moindre note. Jamais. Bah, soit mal à fin, ils ont déjà oublié la liste. Ah, il y a déjà. Alors, je l'ai. Déjà oublié. Tristan Napoléon, ça on l'a eu. Un autre avion a été trouvé à Trieste, à la même époque. Nul ne sait ce qu'il est advenu. Cherchez John Winkelmann au musée de Trieste. John Winkelmann, ça doit être un nom anglophone. Ouais, alors, Winkelmann au musée. Il doit connaître votre oncle, j'imagine. Mais nous arrivons un peu tard, peut-être, pour trouver le musée ouvert. C'est peut-être. Non, on arrive au milieu d'après-midi. Non, 19h50, Catherine. J'ai vraiment noté un truc genre 14h. Tout va bien. Vous arrivez à 19h50, mais c'est bon, à 14h on arrive. Non, mais vraiment, genre, mon cerveau a noté non, mais c'est 14h, t'as le temps. Désolé. Bon, la première chose à faire, je pense, c'est d'aller trouver notre logement. Voilà. Ouais. Et on commence le lendemain. C'est ça. On peut aller à l'hôtel central, hein, c'est le plus simple. Alors, sachez que si je me suis pas gouré, j'ai marqué dans le Discord. Vous avez maintenant accès à Trieste. Oui. C'est le, vous avez donc accès au, enfin au guide des touristes, donc ce que peuvent voir les touristes sur la ville de Trieste, et donc il y a également les logements. Voilà. Ah, est-ce qu'on prend un hôtel de luxe encore ? Écoutez, sachez que vous avez les moyens. Hein, c'est vrai. Sauf, les deux autres. Non, mais avant, oui, quand il y avait. L'argent vous a été donné par le professeur, donc vous avez des. Oui, on a je sais plus combien, on a 100 livres ou 1000 livres. Non, vous avez beaucoup d'argent, vous êtes tranquille. Ouais. À tel point qu'on parlera jamais d'argent. Tellement que vous en avez. On parlera jamais d'argent. On parlera jamais d'argent. Je sens qu'on est avec un MJ. Bon, on sent qu'on est avec un MJ qui a vraiment envie de gérer l'aspect financier de notre. Exactement. Voilà, mais moi qui ai mis des points en comptabilité, ça va beaucoup me servir. La même. J'ai un budget de visite et de souvenirs. Bah après, si vous voulez, on peut faire les piécettes, hein, parce que hôtel, une livre, ça coûte beaucoup. Ouais, non, il n'y a pas de problème, je peux faire aussi la méthode. On paye en shilling. On a l'excellence. Oh ouais, c'est ça, on a soit le meilleur truc, palais en front de mer, soit on a un château. Sur le château Miramar et sur l'hôtel de ville, Riva Carciotti 3. Ouais, il me tente bien le deuxième. Moi, je commence à m'appliquer. Alors, le Excelsior, c'est ce qui se fait de must, le truc le plus badass de Trieste. Hein. Vous pouvez pas faire mieux que celui-là. Après, les autres sont un peu moins bien. On est confronté à des choses pas très très cool, ah, très rigolotes au niveau du logement, slashé. Ça peut être sympa, ouais. Le château de Miramar, on vivra, ouais, on suivra. Et les l'hôtel de ville, c'est pas mal comme hôtel, ça, non? Hôtel central. L'hôtel de ville, c'est vraiment l'hôtel de ville. C'est le mec qui comprend pas. Le métropole, ça, c'est génial. Bon alors, Albert suggère l'Excelsior. Mais si j'ai bien compris, il y en a deux d'Excelsior, non? Parce que il donne pas le nom du deuxième. Tu vois, il y a Riva del Mandrakio 4. Bon, bon l'accent, on n'en parle pas. Et Riva Carciotti 3. C'est ces deux trucs de, du même palace ou. Je crois qu'il y en a deux, ouais. Le 3, c'est le château de Miramar, normalement. Ouais, bah c'est ça. Je me dis, en vrai, si... Je sais pas. C'est comme vous voulez. Faut vous mettre d'accord. Après, vous avez du temps. Hein. Ils avaient mangé. Vous arrivez à 19h50. Alors, on peut faire l'heure réelle. C'est-à-dire qu'on reste ici pendant 7h, les gens. Ouais, je sais pas. Peut-être. Bon, on fait une petite partie de Rami, d'abord. Ramir. Non, bah. Moi, les Riva del Mandri. Comment on prononce déjà les deux C? C'est. Riva del Mandrakio. Kyo. Mandrakio, ok. Mandrakio. C'est pas Chio. Mandrakio. Non, je pense que c'est Kyo. Je crois qu'il y avait des trucs, je me souviens, quand t'as deux C à la fin, c'est. Comme ça aussi. Écoute, après, on va dire que nous ne sommes pas italiens, on dit Kyo. Oui, oui, il faut bien le dire. Hein, c'est... Pinocchio, il y a deux C. En plus, j'avais appris comment faire le langage des signes pour dire prendre un café. Enfin, le langage des signes italien, où tu dis prendre un expresso. Bah c'était... non, mais allez, on va au Excelsior et en plus là-bas il y aura le personnel qui parlera anglais. Allez, l'Excelsior Palace. Ok. Donc, la musique qui sonne mal, là. Vous êtes enfin décidé. Ça vous a pris à peu près 7 heures pour décider où vous allez aller. Non, pas vraiment, mais bon. Et finalement, eh bien, il est l'heure. Et vous voilà arrivé à Trieste. Comme prévu, vous arrivez à 19h54. Je vais donc couper la musique du train. Merci. Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien, c'est vrai. D'ailleurs, faut me dire hein, si jamais le son est plus ou moins faible, parce que j'ai aucune idée du son qu'il y a sur le live. C'est le néant total. Vous voyez des gens du train qui s'affairent à ramener vos affaires, à descendre. Des voyageurs, enfin des touristes, des wagons qui descendent. Et quand vous décidez à descendre, eh bien, au moment où vous mettez le pied sur le quai, vous êtes envahi, en gros, par une vague de froid terrible. Parce qu'il y a un vent qui souffle de façon très puissante, assez fort, sur le quai. Et ça vous savez, comme le petit vent froid qui vous gèle le bout du nez et qui vous fouette les joues et les oreilles. Et bien, en gros, c'est tout à fait ce genre de vent. Et vous voyez que le vent, il souffle sur la plateforme qui est couverte. Hein. Vous voyez qu'il y a un petit toit en tôle au-dessus de vous. Et que ça souffle, ça vous fait... ce serait comme une bête enragée qui crie un hurlement de malade. Il s'est tellement froid et tellement piquant que vous sentez même sous vos vêtements et que ça vous fait des, comment dirais-je, des frémissements. Enfin, vous voyez, ça vous picote un peu partout. Vous voyez de la poussière et des brindilles qui volent dans les airs. Et même à un moment donné, vous êtes en train de marcher sur le quai, vous voyez qu'il y a une rafale énorme qui soulève une partie du toit et qui vient faire boum, et qui vient se se frapper. Vous avez presque l'impression qu'elle va s'effondrer sur vous, tellement le vent est puissant. Vous voyez que les portiers commencent à courir avec les valises des gens, les autres passagers qui courent pour se mettre à l'abri à l'intérieur de la gare. Vous arrivez donc dans la salle d'attente et il y a des portiers qui viennent récupérer vos affaires et on vous demande du coup dans quel hôtel vous voulez vous rendre et très rapidement, vous leur faites savoir que, eh bien, ce sera le Savoy Excelsior Riva del Mandracchio. Voilà. Et on vous y emmène assez rapidement. Hein. Alors, vous prenez un véhicule motorisé, chose que vous n'avez pas pris depuis quelque temps puisque ces derniers temps, surtout sur Venise, ça avait été les gondoles. Milan, vous aviez eu un petit peu de voiture, c'est vrai. Et là, vous retournez un petit peu avec vos voitures et vous arrivez de nuit. Le trajet entre la gare et Centreville est assez court. Quand vous arrivez sur le parvis de l'hôtel, vous retrouvez encore ce vent. Voilà. Et vous allez me faire le premier jet de la soirée, qui va être un jet de... Alors, attention. De force. Catherine a déjà lancé avant même de utiliser le truc. Ok. Pas. Attends, j'ai pas d'athlétisme. J'ai de force. J'ai de force. Du coup, moi, c'est une réussite. 34, c'est une réussite. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Alors, fait tous. 29 sur 65. Tous, vous arrivez à vous mouvoir jusqu'à la porte d'entrée. De l'hôtel, sauf une personne qui n'est autre que Peter, à un moment donné, il y a une énorme bourrasque de vent qui te fait face d'un coup et qui te fout par terre littéralement. tu viens à tomber dans l'escalier. Alors heureusement, tu ne te fais pas mal, hein, mais ton voilà, perso est mort. C'est pas très agréable. La pierre mort dans le clou. En plus, le sol est complètement froid du fait de la température extérieure. Donc voilà, ça te picote un peu les fesses. Bon voilà, tu te sèches un petit peu là le pantalon et puis finalement, non sans mal, eh bien tu arrives à rentrer à l'intérieur. Voilà, une fois enregistré à l'accueil, on vous emmène du coup à vos chambres et vous allez pouvoir prendre un petit dîner léger. Voilà. Sachez que vous êtes quand même très fatigué. Hein. Le voyage a été plutôt long voilà, vous vous remettez quand même difficilement de toute votre escapade vénitienne. Donc le sommeil va être plutôt apprécié pour vous. Est-ce que vous décidez quand même de faire quelque chose avant de dormir ou vous allez vous coucher tout simplement ? Moi, je voudrais demander si la météo, le vent comme ça est de coutume ici, si c'est le bord de mer peut-être, je sais pas. À un portier qui parlerait anglais. Oui, il n'y a pas de souci. On te dit que oui, ça arrive. Alors c'est un vent qui est fréquent dans la région et qu'on appelle la Bora. En fonction des jours, il y a des fois où il va être puissant, des fois moins. Et c'est vrai que aujourd'hui, il est plutôt costaud. Mais c'est pas surprenant. En gros, c'est pas quelque chose d'inhabituel. Ils ont l'habitude. Ça fait partie de du paysage, en gros, enfin de la région. Voilà. Mais j'hésite à lui demander s'il peut nous procurer des vêtements chauds parce que je suis pas sûr si on est équipé. Il te dit qu'il y a pas de vêtements chauds. Bah. Si tu en as pas, il y aura pas de problème. Hein, il y a des marchands, enfin des dans le secteur, du moins à côté, d'autant plus à côté de cet hôtel de luxe. Évidemment, tu trouveras des magasins de couture qui sont d'un standing, de votre standing, hein, bien évidemment, où vous pourrez trouver des vêtements chauds et adaptés aux conditions climatiques. Bien évidemment, monsieur. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Pour les autres ? Est-ce qu'on peut aller boire au bar juste avant ? Tout à fait. Tu peux tout à fait aller au bar, boire un verre. Je vais demander au barman les quelques infos en ville, s'il y a des cas de chemise noire ou encore des cas d'ouvriers communistes comme à Venise, ou si c'est un peu plus tranquille. Bah, il te fait dire que les chemises noires, il y en a, bien évidemment, nous sommes en Italie, et la période historique fait que les chemises noires sont partout en Italie. Après, des communistes, pas forcément. Il n'y a pas eu de cas de tension avec des communistes dans la ville de Trieste, mais des chemises noires, oui, il y en a. C'est même normal, quoi. Pour eux, il n'y a pas de. Voilà, ça va avec l'époque. J'espère qu'ils sont, ils sont pas de trousse, hein, à cause de la note qu'on a laissée à Venise. J'ai demandé au barman, du coup, des infos sur le musée. Le musée de Trieste, qu'est-ce que c'est comme exposition? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Bon, c'est un musée somme toute classique de la ville. Vous y trouverez toute l'histoire. Ça part de son passé romain jusqu'à aujourd'hui. Je suis pas forcément très calé en histoire, malheureusement, mais c'est un de ce que m'ont dit les clients qui y sont allés, c'est un musée tout à fait intéressant et je pense que vous pourrez trouver des. Si vous êtes un amoureux de l'histoire, vous pourrez y trouver des trucs très très intéressants, bien sûr. La dernière chose, est-ce qu'il a noté des trucs bizarres en ville ? Non. Pas qu'on devrait savoir. D'accord. Bah très bien. Bah dès que j'ai fini mon verre, je vais aller me coucher. Ok, ok. Ah là là. On sent bien le jeu de rôle où tu prends tes infos devant au bar. Bah après, c'est souvent comme ça. Généralement, tu vas dans un bar, le barman il est toujours en train de te donner deux trois trucs. Même si là, effectivement, t'as été assez précis dans tes questions et il s'avère que le barman n'est pas forcément un féru d'histoire. Il t'avoue clairement qu'il a peut-être jamais mis les pieds dans ce musée. T'as pas envie de faire au pourboire. Voilà, mais. Mais il doit travailler lui donc. C'est ça, il n'a pas le temps pour ce genre de choses, même si. Voilà, ça peut être très intéressant, mais il est vrai. En ce qui concerne Emilio, toi tu es fatigué, tu vas te coucher. Je regarde quand même. Moi je m'assois dans le salon, j'ai mon verre à la main, je m'assois dans le salon, je regarde s'il n'y a pas des gens voilà, qui sont dignes d'être intéressants en fait. Tu vois, si j'entends pas des conversations hein, qui sont un peu trop hautes, ce genre de choses. Plus me questionnant sur les habitués en fait de cet hôtel. En tout cas, de passage dans cet hôtel. Bah, tu vois que bah, les gens, enfin, c'est des discussions assez classiques de touristes, voire d'hommes d'affaires italiens qui viennent faire du business ou visiter des choses dans Trieste. Voilà, hein, comme il a été dit, Trieste a été un port très important et il est toujours hein, aujourd'hui en Italie. Donc, il transite beaucoup de marchandises et tout. Donc, c'est pas impossible de voir de riches marchands qui sont là à la fois pour le business et pour acheter des choses à leurs femmes qui sont présentes également. Mais tu sens pas qu'il y a des discussions, on va dire, qui sortent de l'ordinaire, du moins pour l'instant, de ce que tu entends. C'est pas. Ça te marque pas plus que ça, honnêtement. D'accord. Bah après avoir fini mon verre et avoir un peu flâné, écouter ce qu'ils avaient à dire, je vais me coucher. Ok. Et de ton côté, Catherine ? De mon côté, non, moi je suis monté directement me coucher, un peu fatigué, j'ai signalé aux autres que je restais pas avec eux pour la soirée, et puis voilà. Ok, ça marche. Alors, je regarde un truc. Okay. Alors vous allez vous coucher. Bon, vous êtes quand même, comme je vous l'ai dit, assez fatigué, hein, il est vrai. Hop. Et attends, je fais des trucs en sous-marin, vous le savez pas. Et voilà, vous commencez à vous endormir plutôt bien. Le sommeil vous emporte vous avez dans vos rêves, en gros, sans être forcément quelque chose de négatif, mais voilà, c'est pas assez violent pour vous réveiller d'un cauchemar, mais tout ce que vous avez vécu depuis ces derniers jours, ça fusionne, ça bouillonne, voilà, mais. Pour l'instant, c'est pas forcément quelque chose de cauchemardesque. Ouais, c'est vrai. Il faut que je me rappelle aussi qu'il y a une visite nocturne. Ah ! De quoi une visite nocturne ? Comment ça ? De caisse ? Comment ça ? Bah, d'un certain type qui vient dans nos rêves, quoi. Ah ! Oui ! Oui, mais moi, là, dans ton... j'ai déjà parlé, hein. Dans ton rêve, t'y penses pas forcément, j'ai envie de dire. Là, moi, je pense à des parties d'échecs. Tu penses à des parties d'échecs. Ouais, voilà. Où tu reviens à un de tes scénarios. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà, même si la nuit est un peu agitée, vous savez pas. C'est pas une nuit compliquée. Voilà, vous réveillez le lendemain matin. Un peu plus en forme, vous sentez qu'il va falloir un peu quand même deux nuits pour vous refaire de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Mais la nuit, c'est plutôt bien passé. Voilà. Relativement bien passé ? Ça va, relativement bien passé. D'ailleurs, c'est peut-être une des meilleures nuits que vous avez passées depuis quelques temps, pour certains. Depuis Paris, j'imagine, parce que entre... Entre Lausanne et Milan, on a vraiment eu du mal aussi. Avec ce qui s'est passé dans les rues, ouais, on n'a pas... C'est vrai que toutes les nuits, il s'est passé un truc, quoi. Moi, entre Lausanne et Milan, moi, j'ai passé une mauvaise nuit, donc oui. Même dans l'Orient Express, tu dors mal, tu sais. Ouais, en plus, Emilio, il ronfle. Ouais. C'était faux. Non, bah non, c'était l'autre. Le comte Nelson. Ah oui, c'est lui qui... Feu Nelson. Feu Lord Nelson. Quoi qu'il en soit... Écoute, moi... Ouais, je vais aller prendre mon petit-déj avec les autres. Je fais attention à mon petit doigt, là, du coup. Il est coupé jusqu'où? Il te manque deux phalanges. Voilà, tu as okay. une dernière phalange boudin. Qui te reste, tu vois, là, juste là. Un petit moyen. Un petit boudin. Voilà, ouais. Tu peux te faire ça dans le nez, littéralement, tu vois, juste si tu veux. Quoi qu'il en soit, vous êtes réveillés. Vous vous retrouvez tous et toutes à l'heure du petit déjeuner dans la salle principale hein, avec les autres clients qui prennent un petit déjeuner plutôt copieux. Alors après, c'est à vous de voir si vous voulez un petit déjeuner à l'anglaise ou à l'italienne. Au choix, prendre des lasagnes. En sachant que vous notez quand même que contrairement à Venise et à Milan, il y a des spécialités un peu diverses, puisque étant donné que Trieste est une population un peu plus brassée, on va dire, qu'il y a des Allemands, des Slovènes, tout ça, donc vous avez ça boit moins de vin. Des spécialités un peu différentes, un peu slave, un peu allemande. Enfin, c'est du chou, voilà. De la saucisse et de la bière. Allez, voilà, peut-être pas de la bière, mais bon. Quoi qu'il en soit, voilà, vous prenez un petit déjeuner copieux. Et là vient la question qu'allez-vous faire aujourd'hui ? Ben, on va aller au musée, non ? N'est-ce pas ? Tout à fait. Je pense que bah, ça t'intéresse, surtout toi, Albert, hein, j'allais dire Nelson, Albert, d'aller voir peut-être un ami de ton oncle. Bien sûr, c'est la première chose que j'ai envie de faire. De toute façon, je vois pas trop à part ça, qu'est-ce qu'on ferait à Trieste. Même si le touriste, moi, ça me dérange pas, mais bon, disons que moi, j'ai peur que quelque chose nous rattrape si on reste trop longtemps à Trieste, comme à chaque fois. D'accord. Donc, ce sera le musée, c'est ça ? Ouais. Ok. Ouais. Oui. Donc, vous finissez votre petit déj, vous sortez de l'hôtel, j'arrive pas à le dire. Et la Bora souffle toujours. Alors, quand même moins fort que la nuit précédente, hein, heureusement pour vous. Et juste pour le fun, pour voir, vous allez me faire un petit jet de force auquel je vais ajouter un petit bonus de 10 pour savoir comment va se dérouler un petit peu votre journée avec la Bora. Moi, je m'accroche aux petites chaînes qu'il y a normalement sur les bâtiments. J'ai fait exactement le même score que Catherine. Mais moi, heureusement que j'ai le bonus. Je pense qu'il y a quelque chose, Catherine, et mon personnage, on est vraiment. Vous êtes connecté. Ouais, je pense que. Je chute en même temps, tu vois. Et donc, pour toi, c'est réussi, Albert, c'est ça ? C'est réussi, tout juste. 70. C'est réussi aussi pour ma part. Bah, en ce qui concerne Albert et Emilio, bon, même si ça souffle un peu, bon, vous arrivez bien à rester campé sur vos deux pieds. Tandis que pour vous, Peter et toi, Catherine, alors, ça vous ballotte pas dans tous les sens, sauf que bah, vous devez de temps en temps voilà, vous accrocher un petit peu. Peut-être tous les deux, peut-être des fois vous vous soutenez un peu mutuellement pour avancer dans ce vent frais. Alors peut-être sous les conseils d'Albert, vous allez faire un peu de shopping dans la boutique qui est juste à côté. Oui, voilà, on va faire un petit crochet pour s'acheter une veste avec voilà, une doublure. Pour s'acheter des vêtements chauds. Ouais, quoi. Alors attendez, je crois qu'on a perdu quelqu'un, je suis pas sûr. Oui. Voilà, donc Catherine s'est fait emporter par le vent. Elle a soufflé un peu plus fort qu'à l'habitude, mais elle va revenir, évidemment. Donc voilà, vous en profitez du coup pour faire un peu de shopping et vous n'aurez plus de problème de fraîcheur, hein, puisque Maintenant, vous avez bien chaud dans vos nouveaux vêtements. Catherine arbore un beau manteau avec une belle fourrure qui réchauffe son corps. Et vous faites de même, peut-être avec des petites paires de gants en peau de bête. Ah, c'est comme vous le voulez. Finalement, vous vous dirigez vers le musée, le Museo d'Historia de Arte. Donc le musée d'histoire et d'art. On vous donne la direction et vous partez du coup là-bas. Quand vous arrivez devant, vous voyez que il est situé près quasiment au sommet d'une colline. Et que quand vous arrivez devant, l'entrée est de 2 lires, quasiment rien en vrai. Et que ce musée est ouvert de 10h à 16h et qu'il est fermé le lundi. Heureusement pour vous, nous ne sommes pas lundi. Il est juste apposé à côté de la cathédrale San Giusto et non loin du castello médiéval, qui sert encore de caserne et de dépôt de munitions. Quand vous rentrez donc à l'intérieur, vous voyez que ce musée contient des collections d'antiquités égyptiennes, grecques, romaines, qui sont pour la plupart qui ont été données par des dons privés. Vous baladez un petit peu là-dedans, enfin à l'intérieur pour déjà un peu observer, et donc du coup je vais vous demander ce que vous faites une fois à l'intérieur. Bon, on va chercher John Wickerman. On te laisse faire Emilio pour parler en italien. J'alpague une personne qui est à l'accueil. Sans que nous sommes là pour des recherches et que nous avons envie de voir. Quand j'ai perdu son nom, j'ai mangé son nom. John Wickerman. John Wickerman, ouais. Ok. John Wickerman, il faut aller dans le jardin. Le Giardino Lapidario. D'accord. Alors, merci bien, madame. Il vous montre une direction du bras. Et vous vous dirigez dans cette direction. Et effectivement, vous voyez sur un panneau indiqué le Giardino Lapidario. Même si il fait partie du musée. Vous arrivez devant une entrée où se trouve encore une autre personne qui, pour vous laisser passer, vous demande encore 2 livres. De lire, pardon. Donc vous les donnez ? Pas. Est-ce que vous voulez lâcher de lire ou dire « Ah non, c'est trop cher !» Ah, je vous avais perdu. Ouais, moi je vous avais perdu. Discord a planté. J'ai cru que ça venait de moi, j'étais en rage. Donc, qu'est-ce que vous avez entendu de moi ? De lire. Encore okay, de lire. Ouais. Voilà, en gros, c'est et ça. Donc, c'est ce que on paye. Vous arrivez du coup dans le Giardino Lapidario. Vous voyez que c'est un jardin en terrasse qui contient des antiquités de Tergeste et d'Aquilae. Non, d'Aquileia. Habituellement, vous pensez que ça doit être un endroit assez charmant pour passer une petite après-midi détente. Mais aujourd'hui, avec le vent glacé qui souffle dans le jardin et entre les statues et les piliers, y a personne. Vous êtes les seules personnes présentes dans le jardin. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de me faire un test de trouver objet caché, s'il vous plaît. Ah, la spécialité d'Albert, mais c'est qualité. Et attention, là, il faut cocher maintenant. N'oublierai pas de cocher. Oh là là là là. Oh là là là là là là là, je suis absorbé par la nature. Quels sont... J'adore ces fragrances là qui émettent de ces fleurs. J'ai fait un sang. J'aime bien parce qu'il a mis deux têtes de mort, c'est-à-dire tu meurs deux fois, tu sais. Heureusement que c'est sur un toc que j'ai fait ça. Hein. Ouais, il vaut mieux, ouais. Et en ce qui concerne Albert... Au pire, je peux relancer. Moi, j'ai fait 40. 40, et pour toi, Catherine? J'avais dit 49, réussite. Ah, j'avais pas entendu. Autant pour moi. T'inquiète. Pas de soucis. Alors, Emilio, que te dire? Que puis-je te dire? Eh bien, j'ai envie de dire que tu te fais chier, en fait. Tu te rends compte que t'as jamais été autant dans des musées que depuis que t'es avec eux. Avant, t'y allais jamais. C'était des endroits où t'avais pas envie d'être parce que ça n'a aucun intérêt pour toi. Et encore une fois, un autre musée. Et un autre musée. Et un autre musée. Et là, t'en as ras-le-bol, en fait. Donc, tout simplement, de ton côté... Je sors. Tu... Non, tu trouves un banc un peu loin, à l'abri du vent, et tu t'assois. Et je m'allume une clope. Voilà, et tu fumes une clope, tranquille. Pour vous trois, en fait, vous avancez un petit peu, vous voyez Emilio qui s'écarte un peu de vous, qui finit par s'asseoir sur un banc. Et au détour d'un coin, en fait, vous trouvez une petite réplique d'un temple romain en bas d'une pente. Qui est entouré de platanes et qui ces platanes qui ploient sous des bourrasques glacées. Vous distinguez du mouvement à l'intérieur de cette réplique et vous voyez que c'est le seul endroit dans tout le jardin où on pourrait vraiment s'abriter du froid. Que vous faites? Je propose aux amis d'y aller. Hein. Je suppose que ça va être la personne qu'on cherche. Bien sûr, allons-y. À Emilio aussi, ou vous le laissez fumer sa clope sur le banc? Vous voyez qu'il est saoulé. Emilio, genre, on l'appelle, genre, tu viens, et si jamais il lance juste un regard, on dit ouais, moi je propose de le laisser tranquille. Je s'est mal réveillé ce matin. Alors, qu'est-ce que tu fais, Emilio? Est-ce que tu restes assis sur ton banc tranquille ou tu les suis? Je le regarde. Je termine la page de mon journal. Parce que faut pas déconner. Et enfin, je vais les rejoindre. Donc ouais. Je les laisse commencer un peu. Vous avancez un peu avant lui. Vous arrivez du coup à l'intérieur du temple. Et je vais vous redemander... Donc, uniquement à vous trois de me faire un autre jet de trouver objet caché. 65 sur 84, donc c'est encore une réussite. Ça. Bon, moi j'ai trouvé le moyen de rater mon jet. J'ai fait 84. Pardon, un jet de quoi? J'ai pas entendu. Toc. Toc. Waouh. Alors, comment dire, Albert, tu rentres à l'intérieur. Bon, t'es quand même, tu apprécies le fait qu'il y ait plus ce vent froid malgré tes fringues qui te gêne un peu, tu vois. Donc tu tu te frottes un petit peu les mains, tu regardes à droite à gauche, mais bon, sans plus. Tu vois que ça sent un peu le renfermé, que tu vois que c'est quand même vieux, hein. C'est pas des trucs tout voilà, donc, mais sans plus. Par contre, Catherine et toi, Peter, vous levez la tête et vous remarquez une frise qui est en haut relief, qui est montée sur un des murs près du temple. Et bien qu'elle soit extrêmement bien exécutée, il y a quelque chose dans ses proportions qui vous sonne un peu étrangement faux. Ça vous met un peu mal à l'aise parce que les personnes qui, enfin, si vous l'observez un peu trop longtemps, il y a des trucs qui vous gênent un peu. Vous voyez qu'elle représente un groupe d'humains qui amènent des offrandes à des esprits animaux, et ces esprits paraissent reptiliens de nature, un peu comme des dragons orientaux. Mais en plus costaud et avec des têtes bizarrement disproportionnées. Et vous remarquez que les silhouettes humaines, elles ont l'air d'être usées. Il y en a certaines qui ont perdu des membres, d'autres qui ont pris des formes étranges avec l'érosion et le passage du temps. Vous voyez que les personnages reptiliens sont plutôt bien préservés par contre. On pourrait presque imaginer qu'ils ont été gravés la veille, tellement ils sont bien préservés. Est-ce que je peux m'approcher pour toucher ? Alors, tu vois que c'est assez haut, enfin, en fait, c'est, quand tu regardes, c'est un peu en hauteur. Donc après, si tu voulais, il faudra peut-être que tu grimpes sur quelque chose pour la toucher. Mais c'est pas atteignable. Je grimpe sur Catherine. Non, c'est pas ça. Non, il y a quelqu'un qui me fait la courte échelle. Hein. Après, tu peux demander à Albert s'il le souhaite. Tandis que Emilio finit par rentrer à l'intérieur hein, du temple. Après, il n'y a peut-être pas beaucoup d'intérêt, mais je voulais voir si c'était récent, s'il y avait vraiment... un aspect juste d'érosion ou si c'était... Est-ce que Albert lui donne un coup de main ou pas ? Oh ben, je peux essayer, oui, de te. Non, mais je manque un petit peu. Tu vas pas avoir de difficulté. Hein. Je vais pas vous demander un jet, savoir si tu l'aides à monter. Hein. C'est pas, pas non plus. On a perdu Catherine. Mais j'espère que c'était pas à cause de ce que j'ai dit. Non, bah du coup. Tu vas me faire la courte et je vais toucher pour voir si c'était érodé ou s'il y avait... Eh bien, quand il te fait la courte échelle, tu arrives effectivement à toucher la pierre et quand tu touches, tu n'arrives pas forcément à dire si c'est vraiment fait hier ou pas, mais... Tu sens quand même que la pierre est faite d'un... Enfin, c'est pas rajouté, c'est pas... Voilà, c'est morcelé, non c'est... Ah non, c'est pas rajouté, ok. C'est vraiment... C'est un seul et même bloc, mais c'est juste que, hasard de la conservation, je sais pas, peut-être que cette partie a été vraiment mieux conservée que l'autre, mais c'est tout, quoi. Décidément, là, c'est compliqué, là. On perd tout le monde, hein. Mais ce qui est compliqué, c'est Discord qui fait ses mises à jour, ou enfin, qui fait... Je sais pas. Alors, est-ce qu'on va pouvoir récupérer Catherine ? Moi, ouais, j'espère. Désolé. Oui. Est-ce qu'il y avoir un problème de connexion ? Ouais, j'espère que c'est pas ma blague, c'est... Je m'en veux, là, si c'était ça. Elle est déconnectée complètement de Discord, donc c'est okay. Vraiment... Non. Bon, on profite du coup. Comment ça va, les gens du live ? Comment ça va, Swabalaf ? J'espère que tu vas bien. Ah, il y a Swabalaf, le meilleur. Est-ce que le son est bon pour toi ? Est-ce qu'il n'y a pas des soucis de c'est trop faible ou la musique est trop faible ou trop forte ou quoi que ce soit ? N'hésite pas, j'en profite qu'il y ait un petit un petit temps de pause. Bon. Non, c'est bon. Ouais, bah écoute, c'est parfait. C'est parfait. Alors, en espérant que Catherine arrive sous peu. On finira pas non plus trop tard, comme la dernière fois. Ah non, non, mais là, c'était parce qu'il fallait finir la session. Ouais. Là, on s'arrêtera quand ce sera terminé. Enfin, l'heure sera terminée. Je ne vais pas vous emmener jusqu'à... Et en même temps, je travaille demain matin, moi. Okay, aïe, aïe, aïe. Donc, je ne vais pas pousser. Hein. Alors, merci Xen. La Swap Corp aime ton commentaire et t'accorde un point de point. Un point de point de quoi ? Un point de point. Soit, ah, mais... tu vois, accorde souvent des points de point quand tu fais de bonnes choses. Des points de point. Ah, Catherine est de retour. Alors ? Ah. Allô ? Ouais, je pense que je vais avoir un décalage, j'ai dû passer sur la box normale, mais... Bah là, pour l'instant, ça va, t'es en synchro. Tout d'aubaine. Donc on s'était arrêté du coup à ce que, eh bien, Peter... Je touche la fresque. A touché la fresque grâce à l'aide de Albert qui lui a fait la courte échelle. Dans l'équilibre là. Je dis à Albert toi Catherine que... Tu vois Peter qui est comme c'est ça. C'est pas rajouté. Non mais c'est pas rajouté, mais ce qui m'intrigue c'est plutôt s'il y avait... On a dit c'est trop bien préservé pour que ce soit fait il y a longtemps, contrairement aux humains. Du coup, je voulais voir l'aspect poreux de la pierre. Où... Parce que bon, maintenant, on est devenu spécialiste des cailloux grâce à Amidou. Ah oui. Tout à fait. Ah oui. Et du coup, est-ce que c'est de la pierre météoritique, là? Non. Non, c'est du grès. Non, honnêtement, en plus, bon, t'as fait un 4, donc on va dire sur la continuité de ton jet, tu te rends compte vraiment que ça n'a pas été rajouté ou quoi, c'est vraiment, toutes tes parties ont été faites au même moment, jusque, aussi incroyable que ça puisse paraître, cette partie-là a été beaucoup, beaucoup mieux conservée que le reste, de la fresque. Voilà. Alors, je vous aurais bien proposé de me faire un test en archéologie, mais je pense que vous devez... On a 1%, ça se tente. C'est un malentendu. C'est 100%. Bon, bah, hein, moi, c'est raté. Attends, j'utilise 5 points de chance, là. ça se tente, hein. Ça se fait. Ah, il a fait 6. J'ai fait 6. Écoute, avec la combinaison de ton succès d'avant et ton truc, donc tu enlèveras tes 5 dans ta chance. Ouais, c'est fait. Tu arrives à comprendre que le style de la fresque correspond à l'époque romaine primitive. Mais selon toi, les créatures représentées ne correspondent à aucun mythe de cette civilisation. Donc tu te demandes, qu'est-ce que ça fout là ? Que font ces créatures en compagnie de ces humains ? Tu comprends pas trop. Voilà. Quoi qu'il en soit, vous voyez que l'intérieur du temple n'est pas éclairé. Il n'y a même pas par des fenêtres. Hein, il faut quand même plusieurs secondes afin que vos yeux puissent s'ajuster et que finalement vous commenciez à voir un peu. Hein. Vous voyez des chats qui sont pelotonnés dans un coin qui se protègent du vent. Et enfin, à l'extrémité de la salle, vous voyez un sarcophage qui repose sur une base en marbre et qui est surmonté d'une statue d'ange accroupi. Celui-ci porte un médaillon représentant le visage d'un homme de profil. Sur le côté du sarcophage, en vous rapprochant de celui-ci, vous pouvez lire une inscription en latin qui dit Ioanni Vincelmano. C'était une locution latine ? 8. Alors, je sais pas, c'est en latin, effectivement. Et en gros, c'est écrit Winkelmann mort le 8 juin 1768. Ah. Bon, on a trouvé notre ami. Johanni Winkelmann. Ouais. C'est déjà... Est-ce que quelqu'un peut déchiffrer la locution latine qui est marquée dessus ? En gros, c'est ça. Hein. C'est ce qui est c'est, je te l'ai traduit hein, parce que je... C'est écrit ça. C'est un d'entre nous qui parle latin. C'est son nom et son le jour de sa mort. Moi, j'arrive à peu près à ce moment-là, de toute façon. Donc, ouais. Et bon, qu'est-ce que vous faites là ? Pourquoi vous êtes autour de ça ? Enfin, de qu'est-ce que c'est ? C'est la personne qu'on cherche. On a trouvé Winkelmann. On vient de. Je comprends pas. Non plus. Ton oncle nous envoie voir un homme mort. Il semblerait que ce John Winkelmann il soit dans le sarcophage là. Il va falloir qu'on le déterre. Non, attends, on va pas inhumer quelqu'un qui a rien demandé là. Et... Après, il nous a demandé de trouver Winkelmann, ça se tient comme réflexion. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Mais on est sûr que on c'est va le bon Winkelmann parce gars. Que. Bah ouais, parce que John, ça me paraît quand même être un prénom assez récent, mais j'y connais rien. Ben 1868, ça va. Voilà, j'ai envoyé vite fait une photo hein, pour ceux. Alors, si quelqu'un peut la faire transmettre à ceux qui ne voient pas, ou alors à moins que vous soyez sur Twitch en effectivement. Même temps. Alors, j'avais un souci de. J'avais parlé d'un médaillon. Le 1700. Le médaillon. Il est incorporé à la statue ou il est Il est dans la statue. Hein. Ça fait partie de la statue effectivement. D'accord, ok. C'est pas un médaillon non, sur la pas, statue. Hein. C'est pas un médaillon que tu peux enlever. C'est vraiment dans la statue. Ah attends. Ah d'accord. John Winkelmann, du coup, il a dû vivre à peu près sous l'époque napoléonienne, vu qu'il est mort en 1868, je suppute. Donc, 1768 ouais. Ou 1868. C'est ça, hein ? Ah, non, 1700. 1768. Ah, j'avais bien entendu. Ouais. J'ai 1768. Du coup, la question du prénom se pose. Est-ce qu'en 1768... Bah ouais, mais il n'y a même pas eu la révolution. Oh, même pas la révolution, il n'y avait même pas les guerres napoléoniennes. Sur ses instructions, mon oncle a probablement modernisé le nom de la personne, peut-être pour coder un peu l'information. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse qui est bonne à prendre, Albert, mais il a très peu fait ça jusqu'à présent. Ou alors il existe quelque chose. Ce John existe. Alors. Ce John est peut-être bien vivant, est un descendant de ouais. Je reprends les mots qui étaient marqués, hein, tout simplement. Les soldats de Napoléon ont emporté un morceau à Venise lorsqu'ils sont ils ont envahi la ville. Et puis un autre fragment s'est retrouvé à Trieste à la même époque. Donc oui, ça, à peu près, mais parce que bon, il y a certainement plusieurs décennies. Nul ne sait ce qu'il est devenu, chercher John Winkelmann au musée de Trieste. Donc, y voilà. Avant John Winkelmann. Oui, et... on l'a trouvé, John. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on l'a trouvé ? Eh ben, faut utiliser notre matière grise. Vous êtes accessoirement. Une petite cellule grise. Vous êtes accessoirement. Je tapote sur le musée. Ouais, Oui, bah, est-ce il y a que vous avez des questions à quelqu'un ? Est-ce que l'ange est à portée de main ou pas ? Si tu veux grimper dessus, tu peux, hein. Y a pas de problème. Hein. Mais bon, après c'est pas ouf de faire ça. Mais bon, t'as de la chance, y a personne. Donc voilà. C'est pour regarder en fait juste si ça sonne creux à certains endroits et ça sonne plein à d'autres endroits. Bah écoute, tu montes dessus sans trop de problème parce que c'est le mausolée est quand même accessible et tu tapes différents endroits et tu entends quand même que c'est plutôt plein. Il n'y a pas forcément de creux, même le sarcophage en lui-même, enfin ce qui voilà est plein, enfin t'imagines que probablement si tu enlevais tout, il y aurait peut-être le corps de Winkleman en dessous, mais c'est tout quoi. Enfin, on ne sait rien de ce type. Peut-être on devrait aller se renseigner sur qui il était. Pourquoi il y a un mausolée à son nom ici, écrit en latin. Et John Winkleman, ça n'a pas l'air d'être un mec d'ici. Hein. Ça a l'air plutôt d'être un... John Winkleman qui travaille ici, parce que bon, c'est vrai que les questions peut-être au début n'étaient pas très précises. Ah non, je lui ai demandé. Hein. Je lui ai demandé où se trouve John Winkleman, elle m'a dit dans le jardin. Donc ça va être quelqu'un de connu de base. Et si elle ça m'a pas dit. Quelqu'un de vivant, visiblement, vu son sarcophage, oui, c'est quelqu'un de connu. Mais il est mort. Effectivement. Et il est mort. Mais pourquoi il est connu? Oui, non, il fallait bien qu'il meure. Bon, retournons à l'accueil et allons poser nos questions maintenant que nous avons vu. Il y a pas des écultrices écrit en latin, John Winkleman. Non, mais. Là tu sens vraiment que c'est un mausolée. Il n'y a pas plus de. Il n'y a pas. Les petits écriteaux classiques de musée où ils te disent machin, d'accord. Winkleman a été blablabla. Non, là c'est vraiment dans un mausolée, un endroit pour se recueillir plus qu'autre chose. Voilà. Mais il n'y avait pas du mouvement ici quand on est arrivé j'ai mal compris la description peut-être. Non, en gros, en fait, vous avez cru voir des choses se mouvoir, mais une fois rentré à l'intérieur, le mouvement. Était probablement dû aux différents chats qui s'est pelotonné dans les coins pour se protéger du vent qui ont forcément peut-être créé l'illusion d'un déplacement ou quoi que ce soit parce qu'il y en a tous les chats viennent ici enfin du coin pour se protéger. Voilà. Donc est-ce qu'on suit les recommandations de Peter qui veut essayer de se renseigner sur ce Johan Winkleman? Oui. Oui. Oui, bah oui. Ouais, on va demander un expert. Bah non, on peut pas. Je veux pas qu'on me suive, là, mes recommandations. Non, c'est... Ok, le sarcophage. Vous retournez sous vos pas. Et oui. J'avais une question, juste comme ça, pour la statue d'ange. C'est vraiment style statue en marbre, etc. Ou c'est peut-être c'est une pièce qu'on rajoute. Ah, c'est l'entièreté du bloc ou c'est une pièce qu'on a rajoutée? C'est l'entièreté du bloc, c'est d'une pièce. Hein. Okay. Et tu sens que la façon dont ça a été fait... Tu ressens un meuble de profil. Tu sens que... et ça pour essayer un petit peu de t'enlever quelque chose de la tête, que l'ange est assez vieux. Et que il a dû être fait très peu de temps après sa mort. Okay. Ouais, l'ange a un visage d'homme, hein, c'est ça? Oui, voilà, ouais. Du coup, c'est un ange masculin, un ange enfin. Classique, voilà, c'est un ange. Bon, normalement, les anges n'ont pas de sexe, donc. Mais oui. Un ange. Certains qui ont. Non, normalement, ils n'en ont pas. Enfin, bref. Vous retournez sur vos pas et eh bien, vous avez toujours cette femme. Qui est à l'entrée du jardin. Donc, écoutez, si vous voulez lui parler. Ah. Non, c'est pas ça. je lui parle en anglais, si elle me comprend. Écoute, elle baragouine un peu, mais vas-y. Donc, je lui demande des informations sur John Winkleman enterré ici. Son histoire... Et son lien avec ce musée, la ville peut-être. Elle te dit, bah écoutez, alors elle te le dit en italien parce que son anglais est vraiment, elle comprend ce que t'as dit, mais elle saurait pas s'aventurer à te le dire en anglais parce que c'est vraiment un anglais dégueulasse. Que si vous voulez faire des recherches, trouver des choses sur John Winkelmann, elle vous conseille du coup de vous rendre à la bibliothèque municipale. A priori, vous y trouverez des choses intéressantes sur lui, et qu'elle se situe à la Piazza Ortiz en face du musée maritime. Bon, il doit être encore ouvert à cette heure-ci. Hein. Si vous y allez maintenant, je pense qu'il n'y a pas de problème. Hein. Vous pourrez y aller tout de suite. Hein. Et en plus, c'est gratuit. Piazza Ortiz, c'est ça ? Oui, la Piazza Ortiz. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Voilà. Merci. Bonne journée. Comment on dit arrivederci. Tu dis vraiment ça? Si, tu peux, effectivement. Écoute, je suis américain, je fais ce que je veux. Peut-être je pas suis comme ça exactement. Donc, je suppose que vous vous dirigez donc vers ce fameux. Cette fameuse bibliothèque municipale. Ouais. La bibliothèque municipale. Des bibliothèques. Vous arrivez assez rapidement là-bas, je vais pas vous faire marcher pendant un diplôme. Bon, ça souffle toujours, vous avez froid un petit peu. Vous arrivez à l'intérieur et très vite, eh bien, vous plongez dans les livres. Vous allez donc tout me faire. On peut pas engager quelqu'un comme d'hab. Un petit test de bibliothèque. Super. Bibliothèque. 53, je crois que ça passe pas. Hein. Ça passe. Ah. Attends. 20. Le milieu est plus inspiré. Les bouquins. Moi, ça ne c'est en pas. Italien, c'est pour ça. Moi, ça ne passe pas de 3. Ça passe Vu que tout le monde a réussi. Non, moi, ça passe pas et du coup, je n'utilise pas de points parce que j'aurais que 3 points. Mais comme les autres ont réussi, c'est bon, j'en ai marre de bibliothèque. C'est mon tour de faire. Donc, vous entendez Catherine dit bon, j'utiliserai pas 3 points parce que vous avez réussi. Alors, voilà. Exactement. C'est encore du baragouin de styliste, ça. C'était français. Donc finalement. It's so French. Vous obtenez rapidement des accès aux ressources spéciales de l'établissement et de la bibliothèque, donc. Et vous tombez du coup sur un texte qui est celui-ci. Je vais partager avec vous. Et que je vais lire hein, pour le coup. Ouais, c'est écrit en tout petit. Parce que tout le monde n'a pas forcément le texte. Johann Joachim Winkelmann. Né le 9 décembre 1717 à Stendal, en Prusse, mort le 8 juin 1768 à Trieste. Il est fils d'un cordonnier et sa jeunesse a été marquée par l'étude du grec, particulièrement l'œuvre d'Homère. Il étudia la théologie à l'université de Halle en 1738 et la médecine à l'université d'Iéna en 1741 et 1742. Son intérêt pour l'art grec remonte à 1748, quand il travailla comme bibliothécaire pour le comte von Bunau. Son premier traité sur le sujet, Réflexion sur l'imitation des œuvres grecques dans la peinture et la sculpture, fut publié en 1755 et traduit en plusieurs langues. Engagé comme bibliothécaire au Vatican, il quitta son Allemagne natale pour Rome. C'est en allant voir sa famille à Stendhal que Winkelmann fut assassiné. Après avoir inexplicablement fait demi-tour à Regensburg, il écrivit à ses amis « Je ne suis pas ce que je souhaitais être », tout en parlant d'une mélancolie qui l'avait submergé. Le compagnon de voyage de Winkelmann, un marchand d'art nommé Cavazzeppi, insista pour qu'ils aillent au moins jusqu'à Vienne, mais là, Winckelmann l'abandonna et partit pour Trieste. Là, il rencontra un homme appelé Francesco Arcangeli, un voleur travaillant comme cuisinier et proxénète. Désirant apparemment lui voler des médailles, Arcangeli commença par l'étrangler, puis lui donna un coup de poignard fatal. Le meurtrier fut arrêté, jugé et exécuté. Battu à mort sur une roue installée devant l'hôtel où il avait commis son crime. Winckelmann eut le temps d'écrire un testament avant d'expirer, où il léguait presque toutes ses possessions à un serveur du Locanda Grande, l'hôtel où il séjournait. Ses médaillons finirent au Muséum d'Historia et d'Arte, tandis que ses papiers, y compris un journal, furent vendus aux enchères à un certain Giovanni Termona, un historien local. Winckelmann fut enterré dans la cour de la cathédrale San Giusto. Plus tard, la cour fut déplacée et le Giardoni Lapidario prit sa place. Le cénotaphe érigé dans le jardin date de plusieurs années après sa mort. On peut trouver un portrait de Winckelmann, une reproduction d'une peinture à l'huile réalisée par son ami Anton Raphael Mengs en 1771. Voilà. J'ai noté tous les noms. Hein. T'as eu le temps de tout noter ? Du coup, ce mausolée, il a été fait pour Merci. Un bibliothécaire ? Un peu plus. Mais, Il a fait des écrits qui ont marché, donc un peu plus. Ouais. Un martyr. Mais là, ce qui m'interpelle, c'est du coup les personnes qui ont reçu dans son testament un type qui apparemment n'a aucun lien avec lui. Et apparemment ce fameux Giovanni qui a reçu ses papiers. Et y compris un journal. Donc peut-être intéressant de voir ce qu'il contenait. Bah, du coup, là, vous... Ça me paraît être un bon plan. La piste semble être intéressante. Donc effectivement, comme tu l'as dit, hein, donc il a dans son testament, il a donné toutes ses possessions voilà, qui ont fini. Alors du coup, il y avait des médaillons qui sont aujourd'hui au musée où vous êtes en ce moment. Enfin, où vous étiez tout à l'heure. Pardon. Ouais, on était. Et du coup, ce fameux journal qui ont été achetés aux enchères par un certain Giovanni Termona. Il lui a pas donné, il l'a acheté. Ce journal. Bah, je suis partant pour aller voir si la famille Giovanni Termona a encore les écrits. Il y a ça et à trouver le serveur à qui il a légué la plupart de ses affaires, c'est quand même étrange. Pourquoi le serveur ? Alors, c'est... Alors, ce serveur du Locanda Grande, donc c'est l'hôtel où il séjournait à cette époque, effectivement, vous savez pas forcément qui c'était. Mais voilà, donc de lui aujourd'hui reste que les médaillons et le journal. Bon, allons nous renseigner peut-être sur ce Giovanni pour savoir son amant. Hein. C'est juste ça. C'est peut-être. Quoi Mais c'est très certainement son amant. S'il lui a tout légué, c'est bon. On va pas se voiler la face. Il a des déboires et il a des déboires. Ouais. Moi, ce que je pense d'abord faire, c'est quand même trouver le descendant des Termona. Des Giovanni. Ouais. Bah des Giovanni Termona, donc. Ah. Mais c'est clair que s'il y a le journal, je pense que le journal c'est la pièce qui peut être le plus. Enfin, oui. Qui peut nous permettre d'avoir une meilleure vue d'ensemble. Donc, probablement, okay. Il faut le trouver aussi, de toute façon. Comme vous le souhaitez. Donc, qu'est-ce que vous pouvez vous essayer de trouver la famille Termona? Ouais. Ok, et bien. Ouais. Vous êtes dans la. Dans la bibliothèque municipale. Donc, je vous laisse me dire à peu près comment vous essayez de vous débrouiller pour trouver la famille Termona. L'hôtel de ville. Bah, la bibliothèque, il y a peut-être aussi des. Des archives sur les. Sur les. Genre, enfin. Tête de ville, t'as plus de chances de trouver. Et vu qu'on y est déjà, c'est pour ça. Un registre. Ouais, est-ce qu'on peut. Tant qu'on est là. Si on jette un coup d'œil maintenant, est-ce que. Ouais, est-ce que ça nous ferme pas trop les portes pour le reste? Bah après, vous êtes déjà dans la bibliothèque municipale, alors après, je dis ça, mais rien qui vous empêche. De jeter un coup d'œil à la bibliothèque, hein, en sachant que oui. Il est dit quand même que la famille Termona est connue dans le coin. Termona, et en plus, forcément, on a eu un annuaire quoi, dans la bibliothèque. Ou même déjà demandé aux gens autour de vous, hein, c'est pas déconnant. Du coup, je vais m'approcher d'une bibliothécaire et demander ou d'un bibliothécaire. Excusez-moi, je recherche des écrits sur la famille Termona. Est-ce que vous pouvez m'appuyer, s'il vous plaît? Écoutez, les écrits, j'en ai pas forcément ici, mais sinon, pourquoi ne pas aller directement. Voir la famille Termona ici à Trieste. Ils ont leur maison encore ici. D'accord. Vous auriez un annuaire ou quelque chose dans le genre? Elle finit par regarder et puis. Tu vois qu'elle réfléchit et puis après elle te donne l'adresse de la famille. Donc c'est un quartier qui est pas très loin du musée du coup où vous étiez tout à l'heure. Et voilà, donc tu as l'adresse, tu sais un peu, enfin elle t'explique un peu comment y aller, donc tu peux tout à fait y conduire tes camarades là-bas. D'accord, très bien. Je retourne vers bon. Bingo, c'est une famille connue. Il n'y a pas d'écrit forcément ici sur eux, mais on peut directement aller leur poser des questions. De toute façon, ce qui nous intéresse le plus, c'est le journal. Au pire, on leur loue. Au mieux, ils nous le donnent. À voir. Tiens, on l'a acheté aux enchères, mais on te file. Non, mais ça fait longtemps. Tiens, ouais, combien ils l'ont acheté? S'il faut, ils l'ont acheté une fortune. Ils vont pas nous le lâcher comme ça. Oui, enfin. Comment on va présenter le truc? Après, on verra pas là pour récupérer la vie. Hein. Si on peut le lire et le rendre après. Bon, j'estime que vous êtes en train de parler tout ça pendant que vous êtes en train d'y aller. Comme ça, ça. Oui. Sur la route. Oui, bien sûr. Avant d'aller plus loin, je voudrais poser une question à Albert qui semblerait un peu. Sorti de contexte, mais je lui demande est-ce qu'il connaît bien son oncle, le professeur Smith? C'est une question qu'on est en droit de se poser, oui, parce que moi-même, justement, avec tous les événements que je traverse depuis que je vous ai rencontré, je me pose cette question, oui. Est-ce que je le connaissais vraiment? Je te dis ça, Albert, parce que moi je ne le connais que trop peu, même si je l'ai rencontré nombreuses fois. Mais depuis que nous sommes partis de Londres, ses notes, les seules notes qu'on a eues de sa part, nous ont guidés à chaque fois sur les bonnes pistes. Comment savait-il tout ça? Il a fait une enquête qui a dû lui prendre des années, voire pratiquement toute sa vie, pour connaître le moindre détail des emplacements des pièces. Et je me posais la question comment? Enfin, comment il a-t-il su plusieurs choses qui, comme peut-être les relations avec les pièces, alors que ça m'étonnait, toi. Donc, est-ce que tu le connais vraiment bien, ton oncle, vu Est-ce qu'il n'est pas en train de nous utiliser, justement? Et c'est ça que je redoute. C'est vrai que pour toi... après, tu sais que ton oncle a toujours été quelqu'un de très pointu dans ce qu'il faisait. Et quand il se lançait dans quelque chose, il le faisait à fond. Mais c'est vrai que tout ce qui se passe, même si tu savais que il aimait un peu tout côté occulte, tout ça, mais pas à ce point-là en fait. T'imaginais pas autant et que toi aussi quelque part t'es un peu décontenancé par toute cette histoire et tout ce qui tourne autour de ton oncle. C'est pas quelque chose qu'il partageait avec moi, quoi. Voilà, c'est ça. Moi, je rejoindrais plutôt l'avis de Catherine, si tu l'avais formulé ainsi sur la suspicion sur le professeur Smith, parce que je commence à avoir de plus en plus de doutes à son sujet. Même si j'accomplirais le devoir qu'il m'a confié, mais... T'entends mal. C'est lointain. Oui, je disais pardon, excusez-moi. Non, je disais, ouais, je l'ai formulé un peu indirectement, mais... Mais oui. Oui. Donc, bon, bah on peut continuer maintenant, que ce soit au clair, enfin, je sais pas, ça me paraissait déjà quelque chose que je voulais aborder. Voilà, quelque chose qui me préoccupe. Je veux pas remettre en question la bienveillance de mon oncle, pour le moment en tout cas. C'est bien vu ce qu'on a eu. Hein. On a eu des personnes avec des fesses bizarres, ce genre de choses, qui en avaient après eux aussi. Donc, je sais pas si forcément le professeur Smith c'est quelqu'un de mauvais. Regardez contre qui on est, l'organisation contre laquelle on doit se battre. Ils ont pas l'air forcément mieux que le professeur Smith, et même le professeur Smith a l'air bien mieux que ces derniers. Et je préfère faire confiance à quelqu'un qui est un gentleman que partir dans l'inconnu avec cette affaire-là, parce que si jamais on se dit que finalement ça ne nous regarde pas tellement et que tout ça, ou que simplement on ne va pas continuer parce qu'on a peur des suites, on a donné notre parole quand même. C'est important, notre parole. Donc à la mienne. Je sais pas ce qu'il en vaut pour toi, mon cher Peter. Elle a l'air un peu mélancolique, là. Oh, pas du tout. C'est juste ses livres. Ça me fout le cafard. Ah, t'as le cafard depuis le musée, là. Le musée de merde. Ouais, ça musée italien, hein. On pouvait pas faire plus italien. Ils savaient même pas nous informer sur qui était Anzirella et ce qu'il faisait. Bah écoute, non, Trieste, c'est pas l'Italie. Hein. Trieste, c'est pas l'Italie, on aurait tout entendu. On va voir cette famille. Quittons cette ville. C'est vrai que pour toi, Emilio, qui vient plus du sud, hein, je crois, de mémoire, t'es très loin de tout ça et de cette ambiance. Donc forcément, pour toi, ça représente pas l'Italie telle que tu la connais. Donc ouais, c'est pas terrible. Enfin, quoi qu'il en soit, vous arrivez du coup devant la maison de la famille Termona. Vous vous dressez devant la porte de cette famille. Je suppose que l'un d'entre vous frappe à la porte. Et très rapidement, cette porte s'ouvre, laissant place à un domestique particulièrement hideux, j'ai envie de dire. Qui vous ouvre et qui n'a pas l'air d'être très amical avec vous. voyez que c'est quelqu'un de mal, enfin, pas très bien coiffé, avec des traits tirés, ridés. Vous avez l'impression que il a presque plus de dents, tellement il est abîmé par le temps. Et vous voyez qu'il porte un bandeau sur l'œil gauche. Ouais. D'accord. C'est pourquoi. Bonjour. Bonjour. Excusez-nous de déranger vos maîtres, mais nous venons car nous avons entendu parler que la famille que vous servez aurait récupéré un journal qui pourrait nous intéresser pour des recherches historiques sur Johann Joachim Winckelmann. Nous aurions voulu pouvoir y avoir accès si, bien évidemment. Alors, moi, déjà, je suis. Je suis pas un Termona. Moi, je suis un domestique. Hein ouais. Très bien, très bien. Mais voilà, nous venons poser la question à un de vos patrons. Oh là là. Ouais. Bon, attendez là. Arrive. Tu vois qu'il il ferme la porte. Il claque la porte même. Et il commence à s'en aller. Vous attendez bien 5-10 minutes. Ça vous fait un peu long quand même. Hein. Puis la porte s'ouvre. Mais rentrez. Allez. Vous rentrez. Merci. Merci bien. Bon bah mettez-vous là dans le, là, là. Et vous indique un hall d'entrée. Et il claque la porte. Et tu vois que il s'en va. Et puis au bout d'un moment, il vous entendait au loin. Et volez rien. Hein. Je arrive tout de suite. Hein. Donc, t'as entendu Emilio? Vous regardez un petit peu, vous observez un peu autour de vous. Vous voyez une pièce donc décorée de peinture. Il y a des portraits de famille. Vous notez qu'ils ont une forte ressemblance, tous ces gens qui sont sur les portraits, et la seule chose qui change quasiment, c'est juste les vêtements qui suivent du coup la progression historique du temps. Vous voyez également des objets d'art, et dont certains, tu vois à l'œil, Emilio, tu pourrais dire qu'ils sont quand même précieux pour certains. Vous allez tous me faire un petit jet de toc, s'il vous plaît. Petit, hein. Un petit, ouais. 14. Un petit 42. Petit 42. J'ai un 31. Et Peter. Emilio, bon, t'étais pas motivé avant. Aujourd'hui, c'est vraiment pas ta journée. Quoique, t'avais eu un 17 en bibliothèque tout à l'heure. Voilà, ça dépend sur quoi. Mais Catherine, tu m'avais dit, j'ai pas entendu. 14. Ok, ouais, d'accord. Donc Emilio, bon, t'es un petit peu obnubilé par les objets de valeur. Hein, ton œil pétille en regardant tous ces objets-là. Pendant que vous, les trois autres, eh bien, il y a deux des objets qui sont exposés. Il y a une figurine humaine primitive aux proportions subtilement erronées, ainsi qu'un vase décoré de danseurs aux membres curieusement flexibles. Et vous avez l'impression que ces deux objets ont une patine assez étrange, en fait. On dirait que, selon vous, vous avez l'impression qu'ils sont recouverts d'un vernis un peu opaque, qui cache un petit peu les détails, alors que, dans l'idée, un vernis devrait justement les mettre en valeur. C'est plutôt surprenant, dire, d'habitude, un vernis, c'est... Mais là, ça a l'air de cacher quelque chose. Tandis que, ben, une fois que vous réalisez ça, eh bien, effectivement, un homme entre dans la pièce. Et vous voyez cet homme arriver, si j'arrive à le montrer. Voilà. Monsieur Anthony Termona. Bonjour, bonjour. Enfin... Excusez-moi pour mon domestique. Je suis vraiment désolé de la manière dont il vous a accueilli. Vous m'envoyez désolé. Hein. Et tu vois qu'il non, mais... il envoie des remontrances à son domestique. Marco, tu m'énerves à parler de ça aux gens. Ça ne se fait pas, voyons. Soyez pas désolé. L'autre qui fait ah. Qui fait des râles, tu sais, c'est Igor. Du coup, je me présente, Peter T. Franklin. Donc, je parle en anglais, est-ce qu'il me comprend? Oui, tu vois qu'il parle un anglais plutôt moyen, mais ceci. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il vous tend sa main à droite. Vous serrez la main. Je lui serre la main. Bon, il doit sentir que. Il manque un truc. Mais je lui serre la main. Tu remarques au moment où tu vas lui serrer la main, toi en pensant avec ton petit doigt au moins, tu remarques que lui, de l'autre côté, il n'a pas de main gauche. Et que du coup, sa manche est repliée en fait. Donc pas la main gauche. Tu comprends très vite qu'il lui manque un bras tout simplement. Et bah, je suis enchanté, monsieur Anthony Termona. Je suis Peter T. Franklin. Je suis acteur américain et voici mes amis. Et je présente dans l'ordre d'abord la charmante Catherine Lamberston. Enchanté. Nous avons Albert Reporter. Enchanté, monsieur. Je t'en avais. Bien sûr, Emilio Duranti. Bonjour. Ah, vous êtes d'où? Je suis du talon de la botte. Ah. Talon de la botte. On va dire, c'est comme ça. Eh bien, écoutez, oui, j'ai eu l'occasion d'y aller quelques fois. Oui, c'est un coin plutôt agréable où il fait meilleur. La Bretagne. Il fait meilleur que par chez nous. Hein. En ce moment, vous arrivez avec la Bora qui est assez puissante ces derniers jours. Mais bon, il ne fait pas toujours froid, heureusement d'ailleurs. Oui, on a pu. Que puisse-je se battre contre ventre contre vent. Que puis-je pour vous? Dites-moi tout. Eh bien, écoutez, je vous ai dit que je suis acteur et nous avons beaucoup entendu parler de la vie de John Winkleman, un certain historien qui est mort malheureusement en 1760. Et nous sommes très curieux de savoir un peu sa vie et peut-être la romancer. Donc, nous avons fait bien sûr nos recherches et nous avons appris que vous avez en votre possession des traces écrites de John Winkleman, mais aussi son journal. Et nous serons très curieux d'en savoir plus sur la vie de John Winkleman. Mm-hmm. C'est tout à votre honneur de vous renseigner sur cet illustre personnage mm-hmm. qui a qui a été qui nous a honoré de sa présence. Malheureusement, il a perdu la vie de façon tragique. Ma famille a eu, s'il est vrai, la chance de pouvoir avoir en possession son journal où il tenait des notes très intéressantes. Mais malheureusement, son journal est écrit dans une langue en grec, dans un grec assez archaïque. Que nous n'avons jamais, je ne maîtrise pas, donc je ne saurais pas vous dire vraiment de quoi parle tout cela. Vraiment, enfin, j'ai cru comprendre que votre ancêtre était historien. Il n'a pas fait de traduction de ces textes par hasard. Il est peut-être pas linguiste, mais. Alors, il ne maîtrisait pas ce grec-là, parce que c'est un grec assez archaïque. Ce n'est pas le grec tel qu'il est connu aujourd'hui. Alors, je sais que, il y a une personne qui pourrait... il y a un linguiste ici qui pourrait peut-être le traduire pour vous, mais... il faudrait aller le voir. Il n'y a pas de souci. Nous sommes prêts à mettre le prix. Non, mais sachez que je peux tout à fait vous confier ce journal. Par contre, je tiens à ce que la personne qui veillera dessus fasse. Très attention, hein, j'ai envie de dire. Ah oui, tout à fait. Surtout ce que si... Ce qui peut être fait sinon, c'est que faire venir le linguiste directement chez vous, comme ça, le manuscrit ne quitte pas votre demeure. Oh, malheureusement, je ne pense pas que cela soit possible. Il aime à rester dans ses appartements. Et tu vois que il part et il revient peu de temps après avec ce fameux journal dans la main. Et il te le tend, Catherine. Je compte sur vous pour y veiller comme sur la prunelle de vos yeux, j'ai envie de dire. Vous avez tout à fait raison de me faire confiance. Je n'en doute pas. Vous remarquez... Pourquoi vous a-t-il confié ce journal si... Enfin, c'était une question bizarre. Enfin, confier un journal intraduisible à votre oncle, pourquoi pas s'en débarrasser ou... Non À votre oncle, à votre ancêtre. Mais non, c'est mon ancêtre l'a acheté aux enchères. Ah, pardon. Ce n'est pas un legs, on ne l'a pas légué. Il a eu des enchères et mon ancêtre, enfin, mon père, c'était pas mon père, c'est mon grand-père l'a acheté. Enfin, il y a quand même plus de 100 ans de différence, donc je pense que c'est même son arrière-grand-père. Mais bon, oui, mais en fait, ça a été acheté aux enchères plus tard. Hein. C'est pas forcément fait le jour où il est mort. Bah écoute, je vous remercie. Nous allons directement aller voir ce linguiste et essayer de le faire traduire le plus rapidement possible. Et je ne sais pas combien de temps ça va vous prendre, mais nous partirons pas de la ville avant d'avoir fini la traduction dans tous les cas. D'accord, pas de soucis, tenez-moi au courant et puis dites-moi ce que vous avez découvert par rapport à ce journal. Je suis, ça redonne un petit peu, j'avoue que avec le travail tout ça, je n'ai pas forcément eu le temps de me pencher sur ce journal qui est resté un petit peu dans les archives de la famille, mais de savoir que des gens s'intéressent à ça, c'est plutôt excitant. Enfin, ça, j'ai hâte de travailler dans quoi ? Pardon ? Je suis dans les arts, mais j'achète et je revends du modèle art. Mais je n'ai pas forcément de qualification plus dans le milieu historique que ça, mais j'aime à acheter des œuvres et des belles collections et les revendre également. Ah, vous êtes quelqu'un féru d'art. Un marchand d'art, oui, si je peux dire ça comme ça. Et pardonnez ma curiosité, mais allez-y. Cela m'a titillé, cela m'a un peu alpagué, le fait que vous manquiez votre bras. Comment ça s'est-il arrivé ? Ah, oui, écoutez, je l'ai perdu pendant la guerre. La Grande Guerre. Et vous allez me faire tous un test de psychologie, si vous. 95. Bon. Pour moi, je suis convaincu que la Grande Guerre n'a jamais existé. C'est une invention des reptiliens sur les bas-reliefs. C'est un complot. J'ai fait 14. Nous avons la preuve qu'il y a des reptiliens à Rome, tu vois. 33 sur 31. Triste. Et toi, ça fait combien, Albert ? 14. Ok. Alors, Catherine, et d'ailleurs, la prochaine fois, je ne me ferai pas avoir. Je le ferai moi, comme ça, ce sera mieux. Ah oui. Les tests. Catherine, tu le crois. Franchement, il n'y a pas de problème. Peter, pareil. Tu crois aussi. Emilio, ouais. T'en fous un peu en fait. Enfin voilà, c'est ok, tu vois, c'est la guerre, ok. Toi par contre, Albert, tu crois pas trop à son histoire. D'ailleurs. En plus, je te disais trop, c'est du pipeau, quoi. J'ai envie de dire, je vais rajouter même que Peter, toi et Catherine. Vous arrivez pas trop à comprendre pourquoi, mais et c'est peut-être c'est pourquoi cette question t'est parvenue à l'esprit, Peter, mais t'as l'impression que il y a quelque chose qui bouge au niveau de son bras manquant en fait, enfin de là où il y a sa manche quoi. Enfin, t'es peut-être pas sûr, mais c'est bizarre, quoi. Comme si vous perceviez du mouvement, mais... Ok, enfin bref. Mais oui, de toute façon, il vous a dit que c'était la guerre, et puis ben, derrière, Peter, oui, bah, Peter, Catherine et toi, Emilio, bah ouais, ok. Mais toi, Albert, tu crois pas. Tu me dis, raconte des salades dessus, là. C'est du pipeau. Quoi qu'il en soit, donc il vous donne le nom et l'adresse d'un linguiste qui s'appelle Marcius Montanelli et qui va vous aider à pouvoir traduire ce texte. Donc, encore une fois, Catherine, il met bien l'accent sur le fait que c'est un journal de valeur hein, et qu'il insiste vraiment à ce que tu fasses vachement attention à tout ça. Quoi qu'il en soit, sachez que vous avez encore un peu de temps pour y aller. On va partir dans l'idée que entre temps que vous avez eu le temps de manger tout ça, de vous restaurer et que le temps de faire tout ça il est à peu près 16h 16-17h et que vous avez encore le temps de vous diriger vers la demeure de ce fameux Marcius Montanelli. Alors, est-ce que vous y allez tout de suite ou vous remettez ça demain? Est-ce que tu nous fais part de ton, doute Oui, justement, c'est ce que j'allais dire. J'attendais qu'on s'éloigne un peu de cette demeure et je suis sûr que il n'y a pas d'oreille qui traîne. Voilà, je partage mon sentiment avec vous. Voilà, cet homme, Anthony Carmona, je le sens pas honnête, mais alors pas du tout. Et sur la façon dont il nous a dit qu'il a perdu son bras à la guerre, alors là, j'arrive pas à y croire. Il y a quelque chose de très faux. Surtout... J'irai même plus loin. Je crois que la pièce qu'on va trouver, c'est un bras. Le bras gauche. Voilà, au hasard. Je regarde mon bras là, le bras droit. Ah bah ton bras te démange toujours autant et c'est même de plus en plus rouge à tel point que bon bah là tu commences vraiment à avoir des plaques qui commencent à vraiment tourner un peu au sang parce que bah à force tu t'arraches et ça fait des croûtes quoi. Oh mon dieu. Il faut y aller avec méfiance. Vraiment, il nous a conseillé un linguiste et peut-être qu'on devra en trouver un autre parce que je n'ai pas du tout confiance. Ça a l'air complexe de trouver un linguiste sur une langue aussi. Probablement qu'on n'aura pas le choix, mais si on pouvait essayer au moins, parce que vraiment, je le sens très malhonnête. Et il nous donne son journal un peu facilement. Oui, il nous l'a donné surtout très facilement. Alors qu'en réalité, il ne sait pas qui on est. Nous confier un si précieux écrit, j'espère qu'il a pris un double ou il a fait un truc des falsifications, mais je ne comprends pas pourquoi peut-être il l'a donné. Peut-être que ce n'est pas l'original. Ouais. Bah, d'ailleurs, Catherine, qu'est-ce que tu en penses de ce livre? Est-ce que tu l'as ouvert? Est-ce que tu veux le commencer à lire? Tu perds un point de santé mentale. Non, tu ouvres le bouquin et tu vois un espèce de, moins de un point. Grec. Tu te rappelles rapidement que tu reconnais quelques lettres de grec, mais elles ont des formes quand même plutôt différentes de ce que tu avais déjà vu comme lettres grec. Même si tu reconnais un peu hein, dans l'idée que c'est du grec, mais c'est quand même différent de ce que tu avais déjà vu. Et bon, tu ne saurais pas traduire du tout ce qu'il y a dessus. Hein, Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plus genre la qualité du papier et tout ça. Genre, est-ce que ça a l'air d'être l'original ou est-ce que ça a l'air d'être une copie qui... Franchement, t'as vraiment l'impression que c'est... un truc assez vieux. Alors, tu ne pourrais pas dater le truc, mais ouais. J'ai un problème de lampe. J'aurais dû faire des études d'historienne. Bon, bah. Je serais curieux de voir la représentation. De comment il s'appelle de John Wickelman Anton Raphaël Mang avant que peut-être il a représenté, il manquait peut-être un bras, tu vois, c'est ce que je me dis sur la peinture. Je me dis un truc comme ça, tu vois, voyez-vous, je serais bien curieux de trouver Anton Raphaël Mang et son œuvre. Tu sous-entends carrément que c'est la même personne? Non, je sous-entends qu'ils ont peut-être eu le même sort que ce que j'ai. Et je te montre mon bras, quoi. Mmh. Et j'ai peur de finir comme eux. Et... je pense que je commence à devenir un peu dingo, un peu fou. Mais c'est vrai que là, on peut se dire d'être un peu paranoïaque sur ce sujet-là, que c'est pas pour rien qu'il a les écrits, ce n'est pas pour rien qu'il a un bras en moins. Si tu me dis la Grande Guerre, c'est pas possible. Ouais. Je te crois. Ouais. Surtout qu'on a vu qu'il y avait quelque chose de bizarre sous ses vêtements, comme si ça bougeait. Je ne peux pas en savoir plus, ça m'a bien dégoûté. Ah bon ? C'était un peu effrayant. Oui. Tu n'as peut-être pas remarqué, mais à l'endroit où il y a son bras, le vêtement bougeait légèrement. Mais de manière comme si quelque chose bougeait. Pas comme si c'était le vent ou quoi que ce soit. Il a pas peur aussi qu'il a remarqué que je regardais, je le regardais attentivement. Bon, je propose ça, qu'on aille voir Anton Raphaël avant de commencer avec ce Marsus. On peut faire Marsus et on le laisse traduire et ensuite on revient. Non, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller au musée et là-bas, normalement, ils auront des personnes aptes à traduire. Moi, j'aimerais bien essayer de le traduire autrement que par le linguiste que qu'Anthony. Ouais, mais c'est ce que je propose. Ouais, ouais. Bon, on essaye le musée ce soir et on voit ce que ça donne. C'est juste que gros, on a le temps de faire un petit truc. Donc, go musée. Ouais. Et du coup, ouais. Vous vous rendez au musée. D'ailleurs, quand vous passez au musée, vous baladez tranquillement et vous arrivez devant, en gros, une comment dire, une verrière, enfin, c'est un truc au milieu d'une pièce avec un truc en verre posé, tu vois. Véranda. Non, en fait, c'est un présentoir. C'est un présentoir et qui est recouvert par un truc en verre pour protéger quelque chose. Et quand vous vous approchez, eh bien, vous voyez que sont posés à l'intérieur une boîte qui est plate et qui contient 7 médaillons sur un coussin en velours. Il y a une rangée de 4 et une rangée de 3. Vous voyez que ces médaillons ont appartenu à un certain Winkelmann. Ces médaillons, sur leur face visible, représentent des scènes historiques. Un représente le sac de Troie, d'autres représentent des personnalités historiques. Vous allez me faire, s'il vous plaît, un test de TOC. Je vous demande 94. TOC. Ok. Je suis fatigué. 58. Un 16, je regarde même pas ça, moi. Allez, Albert, millions, on va aller discuter. Et Albert, t'as dit quoi? T'as fait quoi? 58. Ok. Donc, on va dire que vous trois, Emilio, Peter et Catherine, vous êtes assez focus sur ce que vous, enfin, sur ce bouquin. D'ailleurs, toi, Catherine, tu passes plus de temps à triturer un peu le bouquin, à le tourner un petit peu dans tous les sens. Ça te travaille. En plus, t'as tout ce qu'a dit Peter sur ça. Toi, Peter, tu penses à ton bras. Tu penses, tu fais le parallèle avec l'autre et son bras coupé. Mon bras qui va disparaître. En plus, Albert a dit que voilà, qu'il pensait qu'il mentait, que c'était pas vrai. Donc, du coup, ça te voilà. Et toi, Emilio, encore une fois. On a marre, quoi. Enfin, merde, quoi. On fait des musées, des bibliothèques. On peut faire un petit bar là. Putain, c'est voilà, ce serait bien d'aller faire un bar ou voir autre chose que ces trucs-là. Un champ de course là. Ouais. T'es vraiment dans une période difficile en ce moment et tu saurais pas trop expliquer pourquoi. T'as un coup de mou, vraiment. Albert, il n'y a que toi vraiment qui est un peu plus focus parce que bah, quelque part ça te rapproche un petit peu de l'oncle que tu n'as pas vu depuis longtemps et ça t'intrigue ce côté caché de ton oncle que tu n'as jamais vu. Donc quelque part, tu as ton sens un petit peu de journaliste qui est à fond là, tu vois, t'es enfin dans l'enquête quoi. Et tu remarques à côté des, à la fin de la rangée où il y a trois médaillons, en fait, juste à côté du troisième et dernier, tu remarques que c'est un peu usé sur le velours et ça te laisse à penser que il devait avoir un huitième médaillon, mais qu'il est plus là. Ok, regardez bien, regardez. Il manque un médaillon. Est-ce qu'on s'en fout? C'est peut-être pas important, mais... Il n'y avait pas un médaillon sur la statue de l'ange? Ouais. Ou j'ai rêvé? Après, c'était un médaillon en sculpté, hein. Vraiment. Enfin, il était vraiment... Ah, c'était différent. Dans la... Oui, ok. Voilà. Par contre, du coup, j'ai une autre question. Est-ce que le médaillon a l'air de ressembler à l'un de ceux qui est dans le truc? Dans le présentoir, pardon. Tu te rends compte que le médaillon que tu as vu, il n'y avait pas... c'était assez grossier, ce qu'il y avait dessus. C'est... Tu ne trouves pas vraiment... Ça décrivait pas forcément quelque chose de très détaillé. Il y a des reliefs pour donner l'impression qu'il y avait quelque chose dessus, mais c'est très grossier comme trait, donc ça ressemble à rien en fait. C'est l'idée que ça donne en fait. Ok, fausse piste. Il y a un huitième médaillon, et ça, je sais pas à quoi ça va nous servir, mais il y a un huitième médaillon. Mais le premier, alors, c'est le sac de Troie. Ça représente le sac de Troie, et les autres sont des personnalités historiques. Des personnages historiques. Ouais. Ça me parle pas plus, quoi. Pas plus, ouais. Bon, allons voir une personne du musée pour voir s'il peut nous traduire. Et si on peut trouver la peinture d'Anton Raphaël. Alors, tu vois vite fait, hein, y a une carte qui explique que les médaillons étaient la propriété de Johann Winckelmann et que le musée les a acquis en 1910. Ces médaillons. Il devait appartenir de base au serveur du coup. Hein? Il devait être de base au serveur qui avait eu tous les dons de Johann Winckelmann. Oui, c'est probablement ça devait appartenir à cette personne et voilà quoi, c'est pas. Voilà. D'ailleurs, vous commencez. Oui, vas-y. Je peux demander s'il y a un guide ou quelqu'un qui travaille ici, là, dans le coin, si j'ai le pag de suite pour dire regardez, il n'y avait pas un huitième médaillon. T'as les gens, enfin, un des conservateurs qui vient et qui est là. Effectivement, oui, peut-être qu'il devait y en avoir un huitième, mais effectivement, mais c'est la seule chose que nous avons eue. Le jour où quand nous avons eu cette boîte, il n'y en avait que sept. D'ailleurs, ce que je peux vous dire, c'est que ces médaillons nous ont été offerts par Marcus Termona, un descendant de Giovanni Termona et qui est du coup le père d'aujourd'hui Anthony Termona. C'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Et merci, c'est déjà très intéressant. Merci beaucoup. J'ai pas plus de questions. Du coup, vous faites un petit peu le tour et vous finissez par tomber sur... En farfouillant un peu à droite à gauche, on vous conseille... On vous envoie vers une personne qui serait un linguiste qui serait a priori capable de traduire votre texte. Vous voyez qu'il est en train de travailler à son bureau tranquillement. Et vous voyant arriver, il lève la tête. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je suis Albert William Anderson. Oui. Voilà, nous aurions un journal écrit en grec très ancien. On aimerait savoir si vous auriez la compétence pour traduire cet ouvrage. Écoutez, il prend le bouquin, il commence à feuilleter un petit peu. Écoutez, oui, je pense pouvoir le traduire. Par contre, vu l'ampleur de la tâche, je pense qu'il me faudra bien au moins une journée. A priori, je pourrais vous donner demain en soirée. Si vous me le laissez maintenant, bien sûr. C'est plus rapide. Qu'en pensez-vous ? Je me tourne vers mes collègues. Qu'en pensez-vous ? Oui, oui. Donc, il prend le journal et vous donne un tarif plus ou moins normal. Enfin, c'est le tarif qui se fait en vigueur. Donc pour vous, il n'y a pas de souci à régler le montant. Écoutez, bah, je vous dis à demain alors. Et je vous donnerai cette traduction. Super, merci, monsieur. Je m'interroge sur son nom. Tony. Ah. Tony Chianti. Estranzi. Même pas Chianti. Déçu. Personnellement, je lui dis quand même de faire attention à ce document. On y tient comme la prunelle de nos yeux, donc ne vous inquiétez pas, il ne faut pas trop ébrituer dessus pour le moment. Non, ne vous inquiétez pas, je suis habitué étant un employé aussi du musée à manipuler des objets historiques très vieux, donc je saurais en prendre soin, ne vous inquiétez pas. Donc je vous revois demain et je vous souhaite donc une bonne fin de journée. Merci, à demain. À demain. Sur ce, il se fait quand même plus ou moins tard, on va dire qu'il il doit être sur les coups de 18h. Vous pouvez maintenant, au vu de la bora qui souffle quand même plus ou moins fort et la nuit qui commence à envahir l'espace et le temps, vous allez pouvoir, je pense, vous rendre à votre hôtel, à moins que vous ayez quelque chose de nocturne à faire. Je voulais juste, avant de partir du musée, savoir où se trouverait la peinture d'Anton Raphaël, quand même, si on cherche une représentation de Johann Winckelmann. Donc je demande au musée s'ils savent où se trouve cette peinture. Eh bien, tout à fait. Quand j'arriverai à savoir où elle est, je m'en rappelle plus. Ça peut être très important. Non, c'est pas ça. Ça peut l'être, hein, mais c'est juste que là, j'avoue que j'ai tellement d'infos que j'essaie de le retrouver. Je vous dirai ça demain. D'ailleurs, En fait, on te dit tout simplement, écoutez, la personne qui s'occupe de référencer tout ça est malheureusement partie, elle est rentrée à sa maison. Mais revenez demain, de toute façon, j'ai cru comprendre que vous étiez censé revenir demain pour un ouvrage. On vous laissera le message pour vous dire où est la peinture exactement. Ne vous inquiétez pas, vous aurez la peinture. Merci. Il n'y a pas de souci. Donc finalement, vous rentrez à l'hôtel. La nuit a rempli le ciel. Il fait froid, venteux. Avant de rentrer, moi, je passe quand même dans un bar. Je laisse et je bois des coups. Je passe une soirée un peu tranquillement. Eh bien, écoute. Emilio, tu es suivi par Peter, qui a lui aussi besoin de boire un coup. Alors, je ne sais pas si Albert et Catherine, eux, décident de suivre ou pas. A priori, Catherine... Non, je vais être sage. Je vais aller manger et puis me reposer parce qu'il fait froid et qu'on a besoin de se requinquer un peu. Je vais suivre l'exemple que me donne Albert. Bien, pendant que Albert et Catherine prennent la voie de la sagesse et rentrent à leur chambre pour se reposer, car ils en ont fortement besoin, eh bien, Emilio et toi, Peter, vous décidez d'aller boire un coup. Et je vais vous demander du coup de faire un petit jet, parce que c'est plus rigolo comme ça quand même. Un jet de constitution. Et 14. Alors, Emilio, ce soir, t'es d'humeur à encaisser un peu tout l'alcool que tu ingurgites. Ça fait bien. Et même l'alcool n'arrive pas à te changer ton mood. Tu as l'impression de tu dis que tu veux boire pour pas oublier, mais bon, pour te sentir mieux, mais finalement même l'alcool il est fade quoi, enfin c'est un peu nul, bref, contrairement à ton camarade Peter qui lui a essayé de te suivre et il aurait pas dû, puisque tu le vois qu'il a extrêmement du mal à se mouvoir et même à rester à se maintenir sur ses jambes. Vous finissez donc quelques heures plus tard par rentrer à l'hôtel, toi portant, aidant Peter à rentrer. Peter qui te parle dans un langage... que tu ne connais pas, de l'argot américain, de son pays natal, que tu ne comprends absolument pas. Tout ça mélangé avec l'alcool, bien évidemment. Poussant des chansons paillardes. Mais si ta mère te voit, Peter, retiens-toi un peu. Quand même, un peu de décence. Si t'as pas une aussi bonne descente que moi, me suis pas. Tu finis par le l'amener jusqu'à sa chambre et je le balance à moitié sur son lit, le balancer sur son lit, tu vois, donc, et tu retournes toi dans la tienne, tandis que Catherine et Albert sont allés se coucher depuis quelques temps maintenant, à part si entre temps vous avez fait quelque chose de spécial. Non. La nuit se passe. Et comment elle va se passer? Attention. Marrant quand même que ça tombe sur Peter là maintenant. Est-ce qu'il sera bourré dans son rêve aussi? C'est ça le truc, tu sais. Il comprend rien à ce qui se passe. Alors. Mais... il tire pour savoir qui c'est qui va être dérangé pendant cette nuit. Emilio, je vais demander aux gens, s'il vous plaît, de couper les casques. Sauf Emilio, bien évidemment. Et merde. Emilio, tu t'endors plus ou moins difficilement. T'as cet alcool qui t'a pas forcément aidé et finalement, au bout d'un certain temps, le sommeil vient. Sauf que c'est un sommeil assez perturbé que tu as. Disons que tu as des rêves qui sont, comment dire, assez incompréhensibles. Tu vois, comment dire ça, des choses bizarres. Comment dire ça, une espèce de créature gigantesque qui se déplace dans des eaux noires et tourbillonnantes qui viennent autour de toi, qui, et toi tu es au milieu de tout ça, tu comprends pas trop, enfin c'est pas logique en fait. Un peu plus tard, c'est même une monstruosité hurlante qui fonce vers toi à des vitesses impossibles. Tout ça va te faire perdre un point de santé mentale. Et tu vas perdre également. Alors attends. Faut que je regarde un truc chez toi. Alors je sais pas, je me rappelle plus comment ça parle, ça passe les points de magie. Moi, je sais pas du tout. Je suis pas non plus. Parce que toi t'as fait combien, tu m'as dit? T'as fait. Ouais, bah tu perds un point de magie. Vas-y, je suis même pas magicien, je perds la magie. C'est comme ça que ça se passe. Tu sais quoi, si j'arrive à 0 point de magie, tu meurs. Ah ah, tu verras. Hop. Vous pouvez remettre les casques. Casque. Moi, je suis là. C'est bon, vous êtes tous revenus. Ouais. Ouais. Oui, monsieur. Oui. Okay. Vous vous réveillez. La nuit s'est plutôt bien passée pour Catherine et Albert. Peter, t'as la barre ce matin, c'est dur. Hein. T'as du mal à ouvrir les yeux. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça picote. Hein. Tu te traînes difficilement jusqu'à la salle du petit déjeuner. Catherine et Albert, ils sont déjà depuis un petit bout de temps. Ils mangent tranquillement leur petit déj. Et vous, de votre côté, vous voyez un zombie arriver avec une tête de déterré. il se tient la tête, il est pâle, vraiment pâle le Peter. Et derrière lui se tient Emilio qui est pas mieux. Vraiment, il a pas une tête des bons jours. Et vous le voyez s'asseoir. Les deux s'asseoir. Limite, ils s'avachent. Enfin, ils sont avachis sur le. Ils se laissent tomber tous les deux sur la chaise. Moi, j'ai la clope au bec dès le matin. Là. Voilà. La nuit a été courte. C'est ça. Pour l'un, oui. Pour l'autre, elle était trop longue. Dire ça comme ça. Ça va, Emilio ? Emilio. Là, Peter. Donc, non, je me tiens la tête, là. J'ai vraiment une nausée terrible. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'espère que... Ouais, je ne sais même pas où j'ai dormi. Je me suis retrouvé par terre. Je vais te raconter ta nuit, mais je pense que ça va te plaire. Ah oh, bah... pas savoir du coup, mais ça, juste que je ne te regarderai plus jamais de la même façon. Ça marche plus avec moi, ça, Emilio. C'est trop ambigu. Ah, c'est pas l'ambigu, c'est pas être ambigu là, c'est juste la vérité. Quand t'as voulu commencer à danser sur le bar, c'était cocasse. Ça moque-toi de moi. Je m'assois. Bon, bon café. C'est ça. Et puis, du coup, quoi qu'il en soit, vous allez prendre un petit déjeuner assez calme avec un Peter qui ne va quasiment pas décrocher un mot. Du petit-déj. Emilio, pareil, assez pensif. Tandis que Catherine et Albert pourront peut-être converser sur la marche à suivre pour la journée. Et c'est sur cette scène de petit-déjeuner que nous allons nous arrêter pour ce soir. Et nous aurons donc une nouvelle journée pour la prochaine session. Je vais donc mettre le générique de fin et on se retrouve juste après.